Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rêver, ce n'est pas dormir. Le rêve n'est pas l'inverse de la veille, mais selon les mots du philosophe Husserl, un mode anormal de veille. Rêver, ce n'est pas fermer les yeux, mais les ouvrir sur ce que de jour nous cherchons à fuir, ou n'osons pas avouer. Surtout rêver, c'est ce que nous faisons dès le départ, avant même de naître au monde, tant l'alternance de la veille et du sommeil est constitutive de la genèse embryonnaire. Et pourtant, aux rêves, nous ne pensons pas. On les raconte, parfois, quand ils sont drôles, quand ils sont insensés, quand ils nous hantent, mais on s'arrange pour les ranger du côté nocturne de notre vie. Alors que se passerait-il si les rêves venaient occuper le devant de la scène? S'ils venaient occuper, aux côtés de la raison, la place de choix qui leur revient, y compris en philosophie? Eh bien, pour commencer, peut-être les philosophes se mettraient-ils à chanter. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses « je t'aime ». Si je pouvais me réveiller à ses côtés, elle s'en ira. Bonjour Pierre Carrick. Bonjour Adèle Vendrette. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Je ne vous demanderai pas si vous aussi vous avez rêvé d'elle, mais pourquoi, quand les chansons sur le rêve sont si nombreuses, les textes de philosophie sont si rares? C'est vrai, il y a une rareté du thème. Et néanmoins une très grande extension. Il est repérable toujours au moment où les difficultés doctrinales s'aiguisent, au fond. Il est repérable chez Platon à propos de la vérité. C'est le rêve est à la fois chez lui l'espèce de milieu entre être et non-être dans lequel roule l'ensemble des opinions. Mais c'est aussi, dans une page magnifique du 9e livre de la République, l'espace dans lequel on atteint, on touche le plus au vrai. Il y a une dimension paradoxale, de toute façon, et le paradoxe est quand même la matière même de la réflexion philosophique et doit nécessairement l'intéresser. Il y a un premier paradoxe extrêmement simple, c'est le paradoxe que Lacan pointe d'une phrase et d'une expression, le paradoxe biologique, c'est-à-dire la combinaison d'un état d'éveil, puisque pour rêver il faut être éveillé, et puis d'un état de sommeil, puisque pour rêver il faut dormir. Donc paradoxe que les biologistes cherchent sous tous les angles du fonctionnement cérébral, c'est leur affaire, circonscrire en cherchant les émissions d'ondes, en cherchant d'autres pistes d'ailleurs, notamment l'école suédoise est très intéressante sur ce point. Donc un premier paradoxe qui peut être dit biologique. Il y a également un paradoxe qu'on peut là appeler métaphysique, un état d'éveil, un état d'attention à ce qui nous entoure, un état de vigilance à l'égard de ce à quoi nous sommes présents, et puis, simultanément, en quelque sorte, l'absorption par une dimension à la remorque de laquelle nous sommes constamment en proie lorsque nous rêvons. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, Pierre Caric. Vous êtes philosophe, professeur en classe préparatoire littéraire et économique à Rouen. Vous avez été directeur de programme au Collège international de philosophie. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Rêve, vérité », essai sur la philosophie du sommeil et de la veille aux éditions Gallimard, dans lequel vous faites ce constat d'une rareté de la réflexion philosophique sur le rêve, même si les occurrences de rêve sont nombreuses dans l'histoire de la philosophie. Encore un point à ce sujet, si je le disais en commençant, si le rêve est du côté de la chanson et pas de la philosophie, ça veut dire que le rêve est du côté de la poésie, de l'amour, de la musique, quand la philosophie serait du côté de la raison, de la conscience et des arguments. C'est une vision très pauvre de la philosophie qui est ainsi donnée. C'en est une, en tout cas, et assez répandue. Elle repose sur l'idée, au fond, que la philosophie ne devrait s'occuper que de ce qui est expression de la raison, de ce qui manifeste de la rationalité, et on l'oppose assez facilement à l'irrationnel. On oublie une chose tout de même à cet égard, c'est que rationalité et irrationalité, raison et absence de raison, sont produites par la philosophie elle-même, comme un moment certes important, fondateur de son histoire, mais un moment qui apparaît dans son histoire, et dans l'histoire de la réflexion, ce qui nécessairement renvoie la question de cette différence entre rationnel et irrationnel à un plan plus originaire, puisque ce qu'il s'agit de penser, c'est la possibilité de sa naissance, qui est du même ordre que la possibilité de la naissance de la philosophie elle-même. Là, on a affaire à de l'originaire, où la distinction entre rationnel et irrationnel n'a pas encore cours, en quelque sorte. N'a pas encore lieu. On est en deçà. Vous voulez dire dans l'existence utérine. Dans l'existence elle-même. Ouais. Utérine ou non. Avant même, vous parlez de l'origine, c'est pour ça. Avant la philosophie, il y a ce qui la rend possible. Donc cet aspect-là, Heidegger appelle cela un affect, l'affect ontologique, un affect d'être. Ce qui m'a intéressé dans cette chose, c'est que cet affect, justement, se décline en trois versants, puisque l'affect d'être ou l'affect ontologique de la veille n'est quand même pas identique à celui du rêve. Et les deux sont comme réabsorbés dans un non-affect qui est celui du sommeil, puisque le sommeil est la seule dimension à laquelle nous ne pouvons pas comparaître, alors que nous pouvons comparaître à notre propre rêve et tentons de comparaître le plus souvent dans notre veille. Oui. Comment est-ce qu'on essaye de définir le rêve? Avant qu'on se plonge dans les textes de philosophes qui en ont parlé, il faut distinguer le rêve de l'illusion, de la fiction, de l'hallucination. C'est-à-dire qu'il a dans le rêve quelque chose de parfaitement intérieur et personnel, alors que l'illusion ou l'hallucination est quand même liée à quelque chose qui me touche du dehors. Il y a dans la dynamique du rêve une dynamique, ce qu'il rapproche d'ailleurs des sciences qui sont plus liées aux psychologies ou à la psychanalyse, il y a une dimension dans laquelle la scène et le jeu de l'ensemble du rêve semblent se jouer dans l'âme elle-même ou à l'intérieur même de l'âme, dans une circonscription étrange à laquelle la présence vigile ne paraît pas pouvoir fournir d'éléments de d'analyse. Donc la difficulté d'aller tenter d'analyser cet objet qu'est le rêve de l'intérieur même du rêve, ce qui suppose un éveil et une forme de vigilance dans l'acte même de rêver. Il est particulièrement difficile, au fond, de sortir de cette espèce d'absorption par le flux et le train des images, afin de porter sur ce qui se passe un regard analytique et structurel, un regard phénoménologique. C'est ce que tente Husserl dans beaucoup de pages magnifiques, où les descriptions dans lesquelles il se lance, au fond, viennent toutes converger dans l'idée que ce qui apparaît comme extrêmement étrange, c'est l'existence de ce qu'il appelle des légalités intentionnelles. Mais, au contraire de la veille, ces légalités intentionnelles ne sont pas constamment confirmées par la perception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, légalité intentionnelle. Les formes les plus habituelles selon lesquelles la perception se structure, selon ses horizons, selon l'immédiat entourage, la façon dont le regard de la conscience investit et produit le réel, puisqu'avec Husserl, idéalisme absolu, donc production du réel par la conscience. Quand il dit c'est un mode anormal de veille, quelle norme est-elle touchée? C'est comme ça qu'il distingue le rêve, oui. Mode anormal de veille. Oui. Ça veut donc c'est pas l'opposé de la veille, c'est une manière de veiller mais qui ne fonctionne pas comme d'habitude. Qui ne fonctionne pas comme d'habitude, où on n'a pas la confirmation de ce qu'il appelle les légalités perceptives, habituelles, structurelles. Donc, ça veut dire que c'est la réalité, mais sous un autre jour, c'est pas la réalité. Elle nous apparaît différemment. Elle apparaît différemment. Elle apparaît dans des impossibles espaces, par exemple. Le rêve est la seule dimension qui permette de faire coexister sous nos yeux des espaces dont la concaténation dans le réel est impossible. Ils ne s'emboîtent pas les uns les autres. Un gouffre peut s'ouvrir sous nos pieds sans que nous y tombions. Une étoile chuter sur la terre à côté de nous sans que son explosion ne nous incommode. Nous en sommes comme purement spectateurs et témoins. Donc il y a des formes de spatialité et de temporalité. J'ai commencé par étudier les formes spatiales, mais des formes de temporalité qui sont tout à fait étranges et obéissent à d'autres lois, si l'on peut estimer qu'ils s'en trouvent, à d'autres lois que celles de la veille ou de la perception vigile. Ça a beaucoup intéressé Kant également, qui cherche dans l'articulation des représentations les formes structurelles de passage de l'une à l'autre, et s'aperçoit, dans la déduction des concepts purs de l'entendement, vraiment au centre de la critique de la raison pure, s'aperçoit que si l'on faisait l'hypothèse d'une sorte de chaos de la représentation ou des représentations, du fonctionnement des représentations, si ce fonctionnement des représentations était anarchique, s'il lui manquait en particulier l'unité de la perception, l'unité qu'il appelle originairement synthétique de la perception, alors, dit-il, nous aurions affaire à quelque chose de moins qu'un rêve. Ce qui signifie que le rêve implique quand même la récognition dans le concept, les deux précédentes synthèses. Bon, les trois synthèses y sont, mais ils sont comme étranges, morcelés, en bribes, en fragments, comme si le rêve était avant tout un récit à l'intérieur même de sa perception. C'est-à-dire que dans le cas de Husserl comme celui de Kant, et même on va essayer d'expliciter un peu davantage les choses, si le rêve ne s'oppose pas forcément à la réalité, la question est de savoir si le rêve peut produire de la connaissance. Parce qu'au fond, c'est la question que se pose Kant. À quelles conditions pouvons-nous produire de la connaissance? Comment cette connaissance peut-elle avoir lieu? C'est déjà très compliqué pour lui dans le cadre de la veille, puisque le réel ne nous apparaît pas comme tel. Et il implique à la fois une forme d'intuition et les catégories de l'entendement. Dans le rêve, c'est pas que c'est pas réel, et d'ailleurs Kant va jusqu'à reconnaître qu'il y a quelque chose qui est dit dans le rêve, mais c'est qu'on ne peut pas connaître à partir du rêve. Et ce faisant, il exclut du champ de la connaissance le domaine onirique. Oui, c'est très paradoxal d'ailleurs parce que la différence que chacun connaît à propos de Kant, c'est la différence entre l'empirique et le transcendantal. L'empirique réglé par la causalité et objet de connaissance. Et puis le transcendantal qui doit permettre de comprendre à quelles conditions l'expérience dans sa forme telle qu'elle se donne est possible. Si l'on s'intéresse à l'objet particulier rêve, c'est bien un objet qui fait partie ô combien de l'expérience. Vous l'avez rappelé en début d'émission tout à l'heure. On en parle, ça nous hante, enfin bref, c'est un élément central de l'expérience. On aurait donc affaire avec l'expérience onirique dans la pensée kantienne à un type d'expérience que le transcendantal ne peut pas expliquer, à un type d'empirie qui n'a pas sa justification transcendantale. Ce qui pose quand même un énorme problème à la thèse initiale de l'explication de l'empirique par le transcendantal. Donc là, il y a le rêve apporte une objection en fait à la philosophie de Kant qu'il a développée jusque-là. C'est simplement qu'il se replie sur la solution suivante. La différence de la veille et du sommeil n'a rien à faire dans une philosophie transcendantale. Mmh. Ce qui évidemment expulse la question de cette empirie étrange dont on ne sait pas quelle forme de transcendalité peut rendre compte. Non mi piacerebbe mica fare quella vita lì. A me piace starmene a casa. Su, esci che io dormo. Shh. Oh, maman, tu viens toujours pour me faire honte. Ne reste pas là. Que de larmes, mon fils, que de larmes. Papa, attends. Attends, ne t'en va pas. Nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de parler tous les deux. Écoute, papa. Il y a tant de questions que je voudrais te poser. Oh, je ne peux pas te répondre encore. Vois comme c'est bas de plafond. Je l'aurais voulu plus haut. C'est affreux, tu ne trouves pas? On ne peut pas se tenir debout. Mais toi, tu ne pourrais pas t'en occuper, Guido. Tu dessinais si bien. Je voudrais que... Oh, c'est ton producteur. Il sait déranger aussi. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Comment te trouves-tu ici? Je n'ai pas encore très bien compris moi-même. Mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Les premiers temps, tu vois. Tu vois, mon fils, les premiers temps. Guido, je fais pourtant tout ce que je peux. Que puis-je faire de plus? Pauvre Guido, tu dois être fatigué. Tu veux qu'on rentre à la maison? Je suis Louisa, ta femme. Tu ne me reconnais pas? À quoi penses-tu? Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie et 8,5, le film de Fellini où Guido, le cinéaste dépressif, va fuir le monde du cinéma et se réfugier dans un univers qui est peuplé de fantasmes et de rêves. Ici, dans son rêve, il rencontre son père mort, qui s'adresse directement à lui comme s'il était dans son cercueil, alors que l'image qu'il voit est celle d'une maison. Finalement, la logique propre au rêve paraît absolument irréfutable. Le rêve a sa logique, dont la raison ne peut pas rendre compte, Pierre Carrick. Et c'est sans doute pour ça que dès le début de l'histoire de la philosophie, en tout cas si on part de Platon, le rêve a été relégué du côté du faux, du côté de ce qui pouvait venir menacer la tentative rationnelle de mettre un ordre et de donner un sens à ce monde. Oui, du côté de ce qui est ô combien mélangé de néant ou de non-être. Plutôt que de fausseté, le faux commence lorsque l'on affirme au-delà de ce que l'on peut... connaître. Or, le problème avec le rêve, c'est qu'il désamorce la tentative de sa connaissance. On a donc là une difficulté initiale, c'est que la connaissance du rêve signifierait une forme d'entrée dans le néant, le non-être et les mélanges d'être et de non-être. Et par ailleurs, comme vous l'avez rappelé, le Platon fait du rêve le lieu dans lequel nous pouvons toucher le plus au vrai. Mais il importe de voir dans quel moment de la réflexion platonicienne cet énoncé se déploie. C'est au 9e livre de la République, et au fond, ce qui gouverne l'intention socratique à ce moment-là, c'est de montrer que la toute âme est en proie aux tyrannies les plus profondes. Et que le rêve est le lieu dans lequel nous ne nous connaissons pas mieux que nous ne sommes connus de nous-mêmes dans la veille, mais c'est au moins le lieu dans lequel nous apprenons des possibilités nôtres que la veille, elle, ne nous montre pas ou atténue. Ou... Donc le rêve nous renseigne sur nous-mêmes. Le rêve nous renseigne sur nous-mêmes. Il y a un lieu dans lequel, d'ailleurs, se joue, c'est la fameuse apostrophe de Nietzsche, hein, vous les êtes responsables, soyez-le, même de vos rêves. Bien, donc là, la question de la responsabilité et de la dimension éthique, de l'ampleur de cette dimension éthique, Si nous ne faisions que veiller, si nous étions toujours en prise, en quelque sorte, en prise et en contrôle de soi à l'égard de ce qui nous entoure, de ceux auxquels nous adressons, du monde tel qu'il se présente à nous, si le contrôle était permanent, comment connaîtrions-nous nos propres limites, nos propres impulsions, nos propres surgissements d'horizons que rien ne préparait auparavant. La veille a tout de même une fonction qui consiste à lisser socialement notre présence, alors que le sommeil et le rêve en lui libèrent des possibilités à la fois de présence, de signification, de réponse nôtre, que nous ne connaîtrions pas sans cette dimension-là. Encore faut-il savoir bien rêver. C'est ce que Platon explique dans le texte de La République que vous citez au chapitre 9. En voici un extrait lu par Georges Clès. Écoutez les conditions énoncées par Socrate dans ce texte pour qu'un homme puisse atteindre au mieux la vérité lorsqu'il rêve. Lorsqu'un homme adopte pour lui-même un comportement sain et modéré, et qu'il ne s'abandonne au sommeil qu'après avoir mis la partie rationnelle de son âme en éveil, et l'avoir nourri de beaux discours et de belles réflexions, en se livrant pour lui-même à l'exercice spirituel intérieur, sans avoir toutefois soumis la partie désirante ni à la privation ni à l'excès, de sorte qu'elle trouve le repos et ne cause à la partie supérieure aucun trouble par sa jouissance ou sa souffrance, lorsqu'il laisse cette partie supérieure seule, pure, se porter vers la saisie de ce qu'elle ne connaît pas, qu'il s'agisse de quelque chose des faits passés ou alors des êtres présents, ou encore de ce qui doit advenir, lorsque de cette manière il a adouci l'élément d'ardeur de son âme et qu'il s'endort sans s'être mis en colère contre personne et d'un cœur serein, lorsqu'il a apaisé ces deux parties de l'âme et qu'il a mis en mouvement la troisième, celle où réside la pensée, et que dans cet état il s'abandonne au repos, c'est alors, tu le sais, que cet homme atteint le mieux la vérité, et c'est alors que les visions des songes qui envahissent l'imagination sont le moins déréglées. Il faut prendre la mesure du caractère surprenant de ce texte quand même, Pierre Carré, qu'on n'attend pas de Platon qu'il nous dise que du rêve peut naître la vérité. On peut l'y atteindre. C'est quand même celui qui condamne les arts dans la cité parce qu'elles viennent nuire à l'homme, qui condamne une certaine effusion de sentiments qui viendrait contraindre le raisonnement, qui condamne l'opinion au profit de la philosophie. Et là, il nous dit que dans une certaine disposition, eh bien, le rêve est source de vérité. Oui, ce qu'il nous dit fondamentalement dans cet extrait, c'est que quelque chose s'éveille lorsque nous nous endormons, qui s'endort lorsque nous nous réveillons. C'est il y a une structure en chiasme très claire de la veille et du sommeil là chez Platon. Au fond, le rêve est l'occasion. Pourquoi sinon y aurait-il toute cette préparation au sommeil qu'il décrit ? C'est que s'il n'y a pas cette préparation, le rêve est précisément l'occasion des expressions les plus du désir le plus tyrannique, le plus farouche, le plus sauvage, le plus violent. C'est ce qui nous rappelle le fond de tout psychisme humain comme profondément tyrannique et soumis aux pulsions. C'est ce que dit Platon. Oui. Pas Freud. Hein. C'est ce que dit Platon, bien avant Freud, oui. C'est ce que dit Platon. Donc il y a dans l'acte même de rêver la possibilité de se trouver confronté à des dimensions que la veille, elle, ne émousse le plus souvent. Même si remarquez que les cauchemars les plus terrifiants peuvent effectivement soudainement prendre corps dans le réel. On descend d'un train, un type avec une mitraillette tire partout, ça paraît tout à fait irréel, ça brise entièrement notre rapport à la veille, on est projeté dans un espace qui est là identique à celui du cauchemar le plus atroce. Donc la veille peut avoir ses propres cauchemars lorsque s'y joue l'expression des pulsions les plus tyranniques, les plus violentes, les plus atroces. Mais c'est le rêve qui donne à chacun la possibilité de les connaître et de les connaître comme possiblement siennes. puisque ce que nous rêvons, incontestablement, met en jeu notre fond propre, si j'ose dire. Mais est-ce ce que dit Platon ? Parce que dans le texte, il ne parle pas d'introspection, pour employer un terme anachronique, mais il dit que c'est dans cet état de préparation au sommeil que l'homme atteint le mieux la vérité, car c'est alors que les visions des songes qui envahissent l'imagination sont le moins déréglées. Ce qu'il semble dire, c'est qu'il faut apprendre à bien rêver pour mieux connaître, et non pas que le rêve en lui-même nous révèle une vérité. Voilà, oui, il faut apprendre à rêver pour mieux connaître, mais que s'agit-il de connaître au juste en rêvant, pas quelque chose que nous ne connaîtrions pas dans la veille, comme vous dites, il s'agit de mieux connaître. C'est la modalité de la connaissance qui est en jeu, c'est pas tellement son objet propre, son objet reste tout à fait d'atteindre ou de toucher à la vérité. Qui n'est pas sa vérité, voilà, c'est juste ce que je veux dire. Il n'y a pas une lecture psychologique de Platon. C'est pas une lecture psychologique ou psychologisante. Mais néanmoins, elle nous donne à connaître une forme universelle, hein, la tyrannie qui, au fond, règle toute âme. Sinon, pourquoi y aurait-il nécessité de se préparer aussi bien, c'est-à-dire de calmer la partie désirante ou appétitive, de calmer la partie colérique, c'est sans doute la plus importante à calmer. Je me souviens avoir entendu une actrice célèbre dont j'oublie le nom à l'instant expliquait que elle s'était toujours endormie en prenant soin de laver son cœur de toute trace de colère, ce qui expliquait son très grand âge. Bon, c'est du moins l'explication qu'elle en donnait. Mais c'est tout à fait juste. Dans quelle mesure est-ce que une rigoureuse préparation au sommeil, dans quelle mesure n'influe-t-elle pas, j'allais dire, sur la qualité de nos songes ou sur la qualité de nos rêves ? Aristote est d'un autre avis que Platon là-dessus, regrettant que les gens de bien ne se distinguent en rien des méchants, dit-il, pendant la moitié de leur vie, c'est-à-dire pendant le moment où ils dorment et ils rêvent, faisant ainsi une sorte d'équivalence entre les rêves de tous, ce qui est effectivement pas le cas de Platon. Mais une préparation est nécessaire pour cela. La question que pose Platon, c'est celle de savoir dans quelle mesure est-ce que je pourrais devenir le gardien de mon rêve. Oui, c'est ça. Ne puis-je que rêver mon rêve ou puis-je le veiller, en quelque sorte ? Puis-je y être présent sur un mode qui soit analytique, qui soit objectivant, c'est-à-dire qui introduise entre mon rêve et moi-même une distance suffisante pour que l'accommodation de l'analyse soit possible ? Si on suit le cheminement du rêve, à savoir qui a sa propre logique et qui ne suit pas forcément ni l'histoire de la philosophie ni le sens de l'argumentation, et qu'on fait un saut dans le temps, on découvre un texte de Suran qui, dans son précis de décomposition, regrette le surménage induit par les rêves qui l'épuise tellement qu'au réveil, il n'arrive plus à penser. Si nous pouvions conserver l'énergie que nous prodiguons dans cette succession de rêves accomplis nuitamment, la profondeur et la subtilité de l'esprit atteindraient des proportions insoupçonnables. L'échafaudage d'un cauchemar exige une dépense nerveuse plus exténuante que la construction théorique la mieux articulée. Comment, après le réveil, recommencer la besogne d'aligner des idées quand, dans l'inconscience, nous étions mêlés à des spectacles grotesques et merveilleux. Pendant des heures, nous étions semblables à des dieux ivres, et subitement, les yeux ouverts supprimant l'infini nocturne, il nous faut reprendre sous la médiocrité du jour le ressassement de problèmes incolores sans que nous y aide aucun des fantasmes de la nuit. La féerie glorieuse et néfaste aura donc été inutile. Le sommeil nous a épuisés en vain. Au réveil, un autre genre de lassitude nous attend. Après avoir eu tout juste le temps d'oublier celle du soir, nous voilà aux prises avec celle de l'aube. Nous avons peiné des heures et des heures dans l'immobilité horizontale sans que le cerveau profitât le moins du monde de son absurde activité. Un imbécile qui ne serait pas victime de ce gaspillage, qui accumulerait toutes ses ressources sans les dissiper dans les rêves, pourrait, possesseur de la veille idéale, démêler des mensonges métaphysiques ou s'initier aux plus inextricables difficultés mathématiques. Vous êtes en plein rêve sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, en compagnie de Sioran et de Pierre Caric, auteur de Rêve Vérité aux éditions Gallimard. Ce que dit Sioran ici à propos du rêve est encore différent de ce que nous avons dit jusque-là, Pierre Caric, parce qu'il il qualifie le rêve de... le sommeil, dit-il, nous a épuisés en vain, le rêve serait une sorte de gaspillage. Ce n'est pas au nom de la raison qu'il déplore l'existence du rêve, mais c'est presque en termes d'énergie. Le sommeil nous épuise et c'est autant d'énergie prise sur ce que nous pourrions faire lorsque nous sommes éveillés. Oui, c'est un texte nihiliste, et comme souvent dans les élans d'analyse de posture nihiliste, on a des termes économiques, la dépense, l'investissement, le regret d'avoir perdu, enfin bref, des choses qui relèvent de l'économie. On a aussi quelque chose de tout à fait différent là, par rapport aux auteurs qu'on a précédemment évoqués, c'est que veille et sommeil sont conçus comme de parfaits contraires, hein, dans une parfaite opposition. Il n'y a pas de porosité de l'un à l'autre. L'ensemble est uni par une sorte de fatigue générale. L'antipoétique causalité dont il parle, au nom de quoi la nommer lorsqu'on se réveille, puisque elle n'a nullement réglé ce que, selon lui, ce que nous avons rêvé en dormant. Donc il y a dans ce texte, néanmoins, malgré l'attitude de Sioran au début du précis de décomposition, qui consiste à dire que on en a fini avec la philosophie, que la métaphysique c'est plus qu'un ensemble de vieilles lunes, etc. C'est un de ses propos favoris. Et néanmoins, dans un passage comme celui-ci, sans peut-être le savoir, il se réfère à des pensées tout à fait précise de philosophes et de métaphysiciens, notamment Leibniz. Tout ce que Sioran développe dans ce petit passage, c'est l'une des difficultés de Leibniz par rapport au rêve. Non pas cette opposition entre rêve et veille, mais état de production d'architecture de monde spontanément produite. Cette spontanéité architectonique de la monade chez Leibniz est très fortement paradoxale dans sa métaphysique, puisque la spontanéité créatrice pour l'esprit, c'est ce qui en fait une image de Dieu. C'est la dimension par laquelle l'esprit est entièrement performé par sa production, en quelque sorte. C'est l'état, bien sûr, également, dans lequel la monade dort, c'est-à-dire est au plus bas degré d'activité. Donc le rêve, le plus haut degré d'activité, spontanéité architectonique, créateur de monde, et le sommeil en lequel le rêve a lieu, plus bas degré d'activité. Mmh. Paradoxe, au cœur même de la monade, tension entre extrême activité et extrême inactivité. Ce dont parle Sioran repose sur cette idée que, lorsqu'il dit « nous étions semblables à des dieux ivres ». Quand nous dormions, quand nous rêvions. Voilà, lorsque nous rêvions, nous étions semblables à des dieux ivres. Cette ivresse, c'est celle de la création et de la production et de la spontanéité architectonique. C'est l'émerveillement du rêveur devant au spectacle de son propre rêve. C'est l'indice d'une très grande activité possible de l'esprit, et c'est cette ligne métaphysique que Sioran reprend au fond dans ce passage. Dans ce cas, c'est une bonne nouvelle, parce que vous dites Sioran oppose rêve et et veille à la suite de Leibniz. Mais pour Leibniz, tout est une question de degré. Il n'y a pas une différence de nature entre le rêve et la veille, puisque finalement, tout peut se décomposer en infiniment petits moments qui vont passer de l'un à l'autre. Qui font passer de l'un à l'autre, et puis surtout, activité suprême et passivité suprême. On a ce croisement, ce nœud, cet entre-là dans Leibniz qui... reste sur ce point, au fond, avec l'idée que, du moment que la cohérence s'y trouve, il n'y a pas de distinction à faire entre veille et rêve. Le seul élément de la cohérence, si nous rêvions de façon cohérente toutes les nuits, nous ne ferions pas la différence entre l'état de veille et l'état de rêve. Ce qui est quand même quelque chose d'assez étrange. Enfin, la possibilité de distinguer le rêve de la veille, vous voyez ce que Socrate dit à deux ou trois reprises, ça n'a aucune importance, cet argument, cet élément sceptique de l'impossibilité du discernement, du critère. Pourquoi ? Suffit de donner congé à ce critère et de continuer à parler pour savoir si nous sommes éveillés ou si nous sommes endormis, puisque si nous sommes endormis, nous finirons bien par nous réveiller. Et si nous sommes éveillés, nous finirons bien par aller dormir. Donc la question du critère ici et maintenant, de distinction de ce qui est rêve et veille, est au fond sans objet. Ce sera distingué plus tard. Mais alors peut-être faut-il distinguer ici, et vous avez commencé à le faire en parlant de Leibniz, qui pointe l'inertie du sommeil et la suractivité du rêve, le corps de l'esprit. Parce qu'au fond c'est ça qui est en jeu aussi, et ça c'est une analyse que Descartes proposera, en montrant bien que finalement il parle d'une machine qui sommeille lorsque le rêve advient. Il y a une forme de machine qui est mise en veille et qui, notre activité, et qui invite ainsi notre activité à se déclencher. On pourrait dire que le rêve est une activité purement cérébrale, alors que le corps, lui, ne fait que sommeiller. Ce n'est pas le corps qui rêve. Difficile à dire, parce que la machine cartésienne dont vous parlez, il ne faut pas oublier que c'est une hypothèse de travail et d'économie. Voyons tout ce que l'on peut expliquer dans le fonctionnement du corps en posant le principe d'un simple corps mécanique, c'est-à-dire par mouvement et figure interne. C'est un principe d'économie, c'est pas une thèse ontologique sur le corps chez Descartes. Mm-hmm. Ça a souvent été confondu, mais c'est quelque chose qui... ne veut pas dire pour autant que le corps chez Descartes ne soit pas un lieu métaphysique. Au contraire. Tout à fait oublié. Ah oui, non, c'était pas pour dire que, pour faire dire à Descartes qu'il considérait le corps comme une machine. Il dit à propos de la veille, c'est une citation, que c'est une tension cérébrale qui dispose la machine à l'obéissance. Ici, c'est la machine au sens quasiment métaphorique. C'est le fonctionnement du corps et de l'âme ensemble. Oui, puis c'est dans la veille que le corps se fait machine. Il y a une remarque chez Descartes à propos du devenir de la vérité, en particulier du devenir des paroles, du devenir même de ses écrits. C'est dans une lettre où il dit... personne autant que vous, monsieur, ne m'a montré à quel point le contenu de mes méditations peut devenir sève et sang. Donc on a là une sorte de destination de la parole qui est très clairement nommée selon un lieu corporel. Alors on peut appeler ça liquide vital, parce que sève et sang, ce qui les unit, c'est cet aspect-là, hein, dans la conception, le liquide de la vie. Mais il s'agit bien d'une destination corporelle de la signification métaphysique, et cela chez Descartes lui-même. On a trop tendance à lire les auteurs selon des thèses préétablies au lieu de regarder simplement ce qu'ils disent et de le laisser résonner en nous. Pour le dualisme cartésien, ça marche à tous les coups. Hein. Dès qu'on lit un peu de près les textes, on voit bien que le dualisme s'effondre presque à chaque fois. Encore une citation de Descartes, on en parlera plus précisément mercredi prochain. On parlera beaucoup des rêves qu'aurait fait Descartes, raconté par son biographe, et voir comment ces rêves-là ont pu inspirer sa philosophie, loin d'une opposition schématique entre raison et rêve. Mais Descartes lui-même écrit ceci, il dit « Pendant le sommeil, la substance du cerveau, et qui est en repos, a le loisir de se nourrir et de se refaire, étant humectée par le sang que contiennent les petites veines ou artères qui paraissent en sa superficie extérieure. » Au fond, le sommeil pour Descartes, et il l'explique en termes quasiment biologiques, hein, le but, c'est de venir humidifier le cerveau. Humidifier le cerveau. Mais vous voyez que cette humidité sert de couveuse à l'élément rêve, au fond. Hein. Si c'est là la fonction du sommeil, dans quelle mesure l'évaporation induite par cette humidification n'est-elle pas rapportable au rêve ? On peut, j'allais dire, rêver le corps et le fonctionnement du corps à propos de l'explication corporelle des rêves. Elle a tout de même une dimension que l'on peut pointer, qui fait une petite différence légère tout de même avec la veille, c'est que nous ne sommes véritablement jamais contemporains du début de notre rêve, alors que nous sommes quasi contemporains du début de notre éveil. Le décalage est beaucoup plus léger. Le rêve, nous prenons une histoire en route, dans laquelle toute une série d'événements sont déjà impliqués, qui font écho sur la façon même dont se déroule la scène et l'ensemble de ce qui s'y joue. Il y a donc dans cette dynamique-là, si on veut la rapporter à quelque chose d'élémental, il y a bien quelque chose que l'on va être obligé de distinguer comme étant lié à plusieurs états. Quel est l'élément qui passe d'un état à l'autre ? C'est bien sûr l'eau, avec son évaporation d'un côté, sa solidification de l'autre. C'est ce qui donne d'ailleurs à Bachelard l'idée que l'eau est l'élément le plus affine au rêve et à la rêverie. Ce sera le sujet de l'émission de demain, oui. Mais Descartes, par ailleurs, pointe quelque chose d'assez surprenant concernant le rêve. Enfin, le cerveau en action lorsqu'il rêve, il dit « le cerveau qui s'endort redevient chaque nuit celui de l'enfant qui veillait ». Ce n'est pas une citation de Descartes, hein. c'est à propos de ce que Descartes dit lui-même sur une sorte de retour à l'enfance à partir du moment où le cerveau lui-même se met à rêver. Comme s'il restait, comme s'il y avait une mémoire. Là, c'est les souvenirs même du corps qui font que lorsque la conscience sommeille, eh bien l'enfant revient. C'est une idée magnifique. Oui. Il me semble que c'est dans le commentaire de Descartes, le cerveau de l'homme qui dort redevient celui de l'enfant qui veillait. Mais c'est pas Descartes qui écrit cela. Non, c'est ce que je vous dis justement. D'accord. Et oui, il me semblait bien, j'avais écrit ça quelque part. Justement, cette originarité que Descartes permet de voir hein, dans le phénomène du rêve, c'est ce qui ouvre la dimension des différentes articulations temporelles originaires. Parce qu'après tout, la veille, ça commence avec nous, mais comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, ce qui est premier dans le phénomène de la vie, c'est le sommeil. Et un sommeil qui n'est pas lié à une forme d'éveil, c'est un sommeil que Michel Jouvet, je crois, a qualifié de sommeil sismique, pour désigner les espèces de décharges soudaines qui parcourent l'embryon dans l'espace utérin. Il y a donc cette dimension d'originarité qui, comment dire, l'homme étant lié à une histoire, elle implique tous les temps précédents et toutes les temporalités précédentes, des temporalités archaïques, des temporalités originaires, des temporalités qui se croisent, se superposent, se défient dans l'espace du rêve. Il y a une historicité du psychisme à cet égard qui recueille et dans lequel se déposent des formes historiques de l'humain qui donc n'ont pas disparu. Sans aller jusqu'au cerveau reptilien central, mais là je parle des époques et des temps, et de leur dépôt, de leur sédiment, c'est un des domaines d'exploration des aspects, comment dire, universels à l'intérieur des rêves de chacun, que d'essayer de comprendre les rencontres transtemporelles, en quelque sorte, à l'intérieur des rêves. Chacun en fait l'expérience en rêvant de ses chers morts ou de ses chers disparus. C'est-à-dire que le rêve est à la fois la chose la plus intime, oui, qui nous échappe même à nous-mêmes, mais qui ne concerne que nous-mêmes, et qui en même temps nous relie au reste de l'humanité. Absolument. C'est bien la piste de cette temporalité originaire. Elle est du côté de Schelling. Il voit des choses à cet égard, dans les âges du monde et dans d'autres textes, dans sa philosophie de la mythologie notamment. Mais Voilà, là il y a une chose à creuser sur la le point d'attache de l'humain à tout ce qui l'a précédé. Ce qui a inspiré notamment les réalisateurs Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro dans leur film La Cité des Enfants Perdus, on parlait du dualisme. Alors imaginez qu'un cerveau soit hors d'un corps et que ce cerveau souffre d'une chose, c'est qu'il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à rêver. Et pour cela, il va voler le rêve d'un enfant. Il était une fois un inventeur si doué pour donner la vie, si doué qu'on ne saurait dire... Ah, un conte de fées. Je sens déjà mes larmes perler. N'ayant point de femme ni d'enfant, il décida de les créer de ses alambics. Comme il lui fallait un confident, il fit croître dans un aquarium une pauvre cervelle pleine de migraines. Et, enfin, il créa son chef-d'œuvre, plus intelligent que le plus intelligent des hommes qu'on put trouver. Hélas, jamais il ne connut le rêve, pas le moindre petit songe. Et il n'est pas possible d'imaginer combien il vieillissait vite tant qu'il était malheureux. Qui a volé le rêve de l'enfant? C'est Crank, le méchant savant. Mais la belle histoire a viré au cauchemar. Le grand génie a du dépit. Le grand génie pousse de hauts cris. Le grand génie est bien mal parti. Toi qui connais les sentiments, ne peux-tu pas me secourir? Peux-tu m'expliquer pourquoi ces enfants ne font que de cauchemars? Parce que tu es leur cauchemar. Tu auras beau persécuter tous les enfants de la terre, il y a une chose que tu n'auras jamais. Quoi ? Une âme. Est-ce que vous distinguez dans votre analyse, Pierre Carrec, le rêve du cauchemar ? Ou est-ce que le rêve est le terme générique pour n'importe quel type de rêve qu'on fait ? Le rêve, c'est un terme générique. Le cauchemar, au fond, c'est une forme de souffrance liée à l'acte de rêver. Et comme une acuité de cette souffrance... ça me semble être une différence de degré, d'ailleurs. Le fond que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, à l'instant, en parlant de des temporalités croisées et archaïques, retenues dans l'âme, le fond de tout cela, nommé par beaucoup, c'est l'angoisse. L'homme s'angoisse dans le fond de son être, et la... floraison ou l'efflorescence onirique chaque nuit est une sorte de témoignage de cette angoisse originaire à laquelle la veille ne donne, j'allais dire, que des réponses partielles, puisqu'on finit toujours par s'endormir. Donc il y a là l'absolue continuité du fil d'une existence de la veille à son sommeil, au rêve qui s'y joue. J'ai bien aimé dans le fragment qu'on vient d'entendre l'impossibilité de vieillir lorsque le rêve est comme suspendu. Oui. S'il y a une rythmique interne à l'existence qui implique un rapport au rêve, d'ailleurs à mon sens le plus souvent silencieux. C'est pas un rapport fait autour de la parole partagée, puisque le rêve a aussi cette qualité, j'allais dire étrange, d'être quasi impartageable. Aucun récit de rêve ne parvient à rendre compte de ce que fut la touffeur de la présence, sa tessiture, l'ensemble de sa trame. Des auteurs d'ailleurs se distinguent sur leur qualité de restitution de la dimension onirique dans leur écriture, et à cet égard, Henri Michaud est celui qui, quasiment à chacune de ses pages, nous donne ou nous envoie dans une forme d'espace et de voisinage des choses contraires, de lecture des opposés, qui est parfaitement onirique. Ben oui, mais c'est un poète. On en revient au constat qui a ouvert cette émission, et je vous propose qu'on y revienne pour terminer cette discussion précisément. Ce que vous avez dit, ce que vous écrivez dans votre livre, ce que vous avez dit aujourd'hui, et l'exemple que vous prenez de Michaud pour illustrer ça, conforte quand même et confirme le constat initial d'une impuissance des philosophes à penser le rêve. Pourquoi encore aujourd'hui ? Ah bah merci, mais... Bah non, bah, vous, non, votre non, livre est le seul sur sûr, le sujet. Bien sûr, bien sûr. Mais l'impuissance, écoutez, non, pas les plus grands, j'allais dire. Hein, l'impuissance de beaucoup devant un objet qui semble échapper à la prise rationnelle, oui. Ce que la poésie a à faire en cet ordre est de dire et de nommer. Ce que la philosophie peut tenter à propos du rêve est aussi de montrer, de faire entendre. Il y a quelque chose de semblable, hein, poésie et philosophie habitent les monts les plus voisins et les plus séparés. C'est une phrase qui reste tout à fait juste, quel que soit l'objet. Mais je voudrais également dire que Michaud n'est pas seulement poète à cet égard. Hein. Façon d'éveiller, façon d'endormir, il se risque à des analyses, en quelque sorte, en disant qu'il pense avoir trouvé l'élément qui permet de distinguer absolument le rêve de la veille, et où il écrit « En rêve, jamais je ne rêve ». Ce qui montre bien que la philosophie n'est pas que chez le philosophe. Loin s'en faut, on va se quitter avec un court extrait qui a donné le titre à cette semaine, « Faisons un rêve » de Guitry, qui est une invitation à se recoucher. Alors, si tu veux, faisons un rêve, montons sur deux, pas le froid, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois. Oh, mon amour, je t'en supplie, faisons ce rêve et vivons-le. Pendant quelque temps, tous les deux, nous voyagerons sous mon nom, enfin, tu t'y habitues, et puis alors un beau matin, un merveilleux matin, je te crierai comme ça. Chérie, tu viens à la mairie, on nous attend, nous allons encore être en retard. Veux-tu me faire un plaisir? Je n'hésite pas. Non, mais un grand plaisir. Oui. Allons nous recoucher. Last night I had a dream, you were in it, and I was in it with you. And everyone that I know, and everyone that you know was in my dream. I saw a vampire, I saw a ghost, and everybody scared me. Scared me the most. Dream I had last night. Dream I had last night. Last night I had a dream, c'est Randy Newman qui termine cette émission. Merci beaucoup Pierre Carrick d'être venu nous parler du rêve ce matin. Merci Adèle. Rêve, vérité, il n'y a que deux lettres de différence d'ailleurs hein, entre les deux mots. C'est le titre de votre livre qu'on trouve aux éditions Gallimard, sous-titre Essai sur la philosophie du sommeil et de la veille. Last night I had a dream, you were in it, and I was in it with you. And everyone that I know, everyone that you know was in my dream. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver aujourd'hui le journal de la philo, présenté par Colomba Grossi. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Colomba. Bonjour Adèle, bonjour à tous. C'est vous qui êtes aujourd'hui aux commandes du journal de la philo et vous nous parlez ce matin d'un livre, du livre d'une journaliste turque. C'est ça, elle s'appelle Ece Temelkuran et elle vient de publier « Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature » aux éditions Stock. Le livre commence par un constat. On a pris l'habitude depuis quelques années de souligner la dérive autoritaire et populiste du régime turc, présidé par Recep Tayyip Erdogan, et donc de distinguer nettement la Turquie des démocraties libérales occidentales. Une distinction qui pourrait bientôt devenir beaucoup moins nette, selon l'auteur de ce livre, puisque certaines logiques populistes et conservatrices à l'œuvre en Turquie existent déjà, ou pourraient très bien apparaître en Europe ou aux États-Unis. Le titre « Comment conduire un pays à sa perte » annonce donc un anti-manuel à ne surtout pas suivre, qui veut dévoiler les mécanismes par lesquels des leaders populistes de droite s'installent au pouvoir. Alors un anti-manuel à ne pas suivre, mais à lire quand même. Comment est-ce que l'auteur procède ? Et bien, elle parle de l'exemple turc et elle identifie les étapes qu'un leader populiste franchit et qui lui permettent de passer, je cite, « du statut de personnage ridicule à celui d'autocrate sérieusement terrifiant ». Alors la première chose à faire pour conduire un pays à sa perte, c'est de déclarer que l'on s'adresse au vrai peuple. Un leader populiste réussit à se faire entendre en instaurant une logique binaire entre le côté des vrais et celui des faux. Et pour prouver qu'on est du côté des vrais, il faut insister sur le fossé qui sépare des individus qui ne se sentent plus représentés par leur gouvernement d'une élite incapable de les comprendre et qui les méprise. Et même plus précisément, la réussite du leader ou du mouvement populiste tiendra à la capacité qu'il a de persuader ceux qu'il a désignés comme le vrai peuple qu'il les respecte et qu'il est le seul à le faire. L'auteur décrit à ce propos comment Erdogan n'a cessé de réclamer le respect pour les choix du peuple à chaque fois qu'on a dénoncé des élections truquées, tout comme il a réclamé que soient respectées les décisions de la Cour de justice quand ses adversaires ont été jetés en prison, notamment après le coup d'état militaire raté de juillet 2016. Mais cette promesse de respect n'est pas une trouvaille du populisme turc, c'est aussi le leitmotiv d'autres leaders d'extrême droite, comme on l'entend par exemple ici. Nous libérerons le Brésil et les affaires étrangères, deux relations internationales entretenues selon des critères idéologiques auxquels elles étaient soumises ces dernières années. Le Brésil ne sera plus séparé des pays plus avancés. Nous rechercherons des relations bilatérales avec des pays qui peuvent ajouter de la valeur économique et technologique aux produits brésiliens. Nous allons récupérer le respect international pour notre Brésil bien-aimé. C'était la voix du président brésilien Jair Bolsonaro qui annonce le jour de son élection le respect retrouvé pour le Brésil de la part des grands de la communauté internationale. Et quels sont les autres parallèles que pointe l'auteur entre la situation turque et les autres pays ? Eh bien, elle insiste aussi par exemple sur la propension des dirigeants populistes à voir des complots là où pourtant un débat sur le vrai et le faux semblait a priori impossible. La journaliste rappelle par exemple qu'en 2017, l'AKP, le parti d'Erdogan, a posté sur son site internet un article qui affirmait que la Terre est plate, et que la théorie d'un monde sphérique était en fait un complot contre le vrai peuple, fomenté par le Vatican, les sionistes et autres pouvoirs obscurs. Et on peut comparer cet événement avec un autre, qui s'est passé lui en février 2018 en Floride, puisqu'après la fusillade qui a fait 17 morts dans le lycée Marjorie Stoneman Douglas, certains étudiants qui avaient survécu au massacre ont été accusés sur Twitter d'être des acteurs, payés pour participer à un canular organisé par un groupe de pression anti-armes à feu et anti-Trump. Ils sont très inquiétants, ces gens qui racontent tout ça. Je ne suis pas un acteur, d'aucune manière que ce soit. C'est vrai que je suis le fils d'un agent du FBI, mais je suis avant tout un survivant. Un élève qui était présent dans cette école et qui a été témoin de ce qui s'est passé. Et le fait que Donald Trump Jr. ait écrit ce commentaire me dégoûte. On entend que les étudiants ont donc dû prouver à la télévision qu'ils étaient de vraies victimes pour contredire les trolls soutenus par Trump lui-même. Etche Temelkuran multiplie ainsi les parallèles entre la situation en Turquie et dans d'autres pays pour montrer que la tendance autoritaire du gouvernement turc n'est pas une exception qui serait due par exemple à la religion du pays. Le but est de donner à ceux qui s'estiment protégés d'un gouvernement populiste par l'ancienneté ou l'histoire de leurs institutions démocratiques la possibilité de repérer et donc d'enrayer les mécanismes qui pourraient signer la fin de ces institutions. Parce que tout l'objet de ce livre, c'est de montrer que non, un gouvernement populiste, ça n'arrive pas qu'aux autres. Merci Colomba. Le titre de cet ouvrage ? C'est « Comment conduire un pays à sa perte, du populisme à la dictature » et c'est publié chez Stock. Merci beaucoup. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Isis Jourda, vous-même, Colomba Grossi, bien sûr, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Swad Boukorsa, à la lecture des textes Georges Kless. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le rêve. Demain, nous serons en compagnie de Julien Lamy. Nous parlerons de Bachelard, Bachelard, le dormeur éveillé, qui en a beaucoup parlé à la radio, notamment. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. C'est notamment un très bon compagnon de rêve. Vous m'en direz des nouvelles demain. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h. Donc nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.